devant le peuple une dernière fois. Ses forces déclinent, mais la parole demeure là. Il annonce Josué comme guide pour le chemin, car l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais à un seul destin. Tu encourages les cœurs face à l'inconnu. Tu rappelles que ta présence marche toujours devant, même lorsque l'homme qui guidait s'efface, toi tu demeures pour tous les temps. Les saisons changent, mais ta fille